chose vraie ici, pas de fantaisie. Taper de la coke, tu crois que c'est sexy? Tu crois que c'est cool? Tu crois que c'est tendance? Tu crois que ça fait yimbe? Tu crois que c'est un jeu, hein? Tu crois que c'est yimbe? Tu crois que c'est de l'herbe ou du hashish? Tu tapes, tu crois que tu sniffes de la drogue de riche? Mesquine, peu importe leur nom, toutes les drogues sont mesquines. Toutes sont dures, si t'as la force, alors reste clean. Après un nuage de fumée, je vois mes frères disparaître dans un tas de neige. Tous parlent de fumée, tout le monde et n'importe qui. La coke et la violence marchent dans le même cortège. T'étonnes pas si ça défouraille, pour rien ça sort la ferraille. Y'a quelque chose qui déraille, tu me suis aux heures de pointe en boîte de nuit. Même sans Elvira, y'a que des Tony Blas sur un coup de folie. Préviens les videurs, ça vide vite le chargeur. Les mecs les plus frêles prennent de la largeur. Sous coke, tous sont déterminés. Presque tous refusent de se laisser marcher sur le nez. Est-ce que tu me suis? Difficile de distinguer entre les faillons et les caves. Un trait sépare les lâches des braves. Tout le monde veut faire parler la poudre. De l'orage dans les yeux, mes frères sniffent de la foudre. Montent sur des affaires, de la coke dans le zen. Distribuent des coups de crosse, perdent le contrôle de même. C'est le 21e siècle, l'époque des meurtres crapuleux. De la poudre aux yeux. Les feuilles tombent, les fleurs se fanent. Tu cherches l'été dans du cellophane. De la poudre aux yeux. Tu t'envoles, t'oublies, tu planes. Tu décolles, tu fuis tes drames. De la poudre aux yeux. Mais le réveil est brutal, t'es même et t'as encore mal. Normal, ce n'était que de la poudre aux yeux. Rien d'autre que de la poudre aux yeux. Poudre aux yeux. Ce monde est glauque, faut des tripes pour l'affronter. Alors tu tapes de la coke pour t'absenter. Refuse la réalité, opte pour le voyage. Du voyage, du sniff, du rêve ou du courage. Le nez enfariné, le cerveau calciné. T'as beau maquiller le présent, ton avenir saigne du nez. De gramme en gramme, de drame en drame. Tu te réveilles, t'es toxico-cocaïnomane. Pour rien, tu montes en pression, puis l'effet disparaît. Tu frôles la dépression, et vu que le monde est le même après ta descente, il faut que tu te défonces. La vie pose trop de questions, sur coke t'as des réponses. Et les meufs trouvent ça fashion comme Gucci. Ça baisse et font des gâteries pour un rail et une flatterie. La coke les libère et les rend esclaves. Dicave, les filles les plus belles deviennent des épaves. C'est grave, les mules purgent leur peine. Et quelle peine, bienvenue en République Dominicaine. 5000 euros le kilo pur, ça passe ou ça casse. Si ça casse, c'est du ferme. T'as joué, t'as perdu, tu te la fermes. C'est le prix de la cesse. Y'a de la marge dans ce business. Tu peux quadrupler la mise, mais un jour faut que ça cesse. Que tu sniffes un peu de tristesse. Prenne une peine à deux chiffres. Trafic international, et là tu prends une grosse gifle. Je viens de l'époque où la coke était tabou. Y'a pas si longtemps et maintenant t'en trouves partout. Personne se cache, tout le monde veut du cash. On en fait pas assez dans le hache. Y'a trop de sous pour dire non. Si je la vends pas, d'autres le feront. Je sais que c'est ce que se disent la plupart des frelons. Nous on ne fait que répondre à la demande. On te dit grave ce que tu demandes. Puis on distance nos remords dans une allemande. Thug life, c'est le 21e siècle, tu connais. Chacun pour soi, tous pour la monnaie. Il y a ceux qui la tapent et y'a ceux qui la vente, ceux qui la vendent et la tapent, au fond tous en dépendent. L'aube finit par se lever, le vent souffle et la poudre finit par se disperser. Les illusions finissent par se dissiper, l'hiver finit par te rattraper. Et t'es toujours celui auquel tu tentes d'échapper. Les feuilles tombent, les fleurs se fanent. Tu cherches l'été dans du cellophane. De la poudre aux yeux. Tu t'envoles, t'oublies, tu planes. Tu décolles, tu fuis tes drames. De la poudre aux yeux. Mais le réveil est brutal. T'es même et t'as encore mal. Normal, ce n'était que de la poudre aux yeux. Rien d'autre que de la poudre aux yeux. Poudre aux yeux. Les feuilles tombent, les fleurs se fanent. Tu cherches l'été dans du cellophane. De la poudre aux yeux. Tu t'envoles, t'oublies, tu planes. Tu décolles, tu fuis tes drames. De la poudre aux yeux. Mais le réveil est brutal. T'es même et t'as encore mal. Normal, ce n'était que de la poudre aux yeux. Rien d'autre que de la poudre. Rien d'autre que de la poudre aux yeux.